crache mes douilles dans ce foutu mic. Expérant, peine perdue. Je traîne ma dépouille dans ce foutu mal sans excédent. Je lève pas les foules, mais je me démarque pris dans un excès de vent. Mais la route tourne peu en général. J'ai tenté de m'agripper à l'encre dans cette eau trouble. J'ai fini attristé à l'ombre, solo sans tricher, sans détour. Personne pour allumer ma lampe, que des vautours. Pour eux, je prêche aucun mot doux. La gerbe vient animer ma langue en aucun cas. Je cautionne la décadence de l'être humain qui anime l'haine de l'autre, tu de ses propres mains. Tu réalises que des enfants ne peuvent plus être aimés au lendemain où leurs parents finissent inanimés. Leur âme se vide, un genou à terre, la tête, les mains liées. Alors ils se demandent bien ce qui motive ces fous alliés qui sont animés à l'aide de phases morbides et habitées. Rien qu'à l'idée de voir tes larmes au petit bâtard optique, je t'évoque, j'évacue. Ça commence par ça, j'ai des lacunes, je reste en retrait, je laisse le brassard. Je reconnais plus la terre-mère, ni les terriens, c'est terrifiant. Coincé dans une belle mer où mourir est insignifiant. Déjà 20 meuses, mon stylo craque, mais c'est mon seul passe-temps pour évacuer ma philocrate. Genre crie au pas coup, un tas de sang, je dis vrai, je mens pas. Bientôt je stop pour ma fille au calme. Loin du team en bas, mes doutes s'estompent quand je vois le vide en bas. Mains des mains de voix, j'ai tenté d'arrêter d'écrire. Marque un temps d'arrêt, sors de l'arène et là tes rêves de ruine. Mais pas une seule fois, j'ai voulu voir ces crimes. Alors mon pic à cran se vide pour un peu plus réécrire. Mains des mains de voix, j'ai tenté d'arrêter d'écrire. Marque un temps d'arrêt, sors de l'arène et là tes rêves de ruine. Mais pas une seule fois, j'ai voulu voir ces crimes. Alors mon pic à cran se vide pour un peu plus réécrire. Frère, témoin, y'a pas de muscu. Comme mon corps en témoigne, je pense à ces gens disparus. À l'aide que la distance s'éloigne, alors le dicton disait loin des yeux, près du cœur. D'un placard disait qui dit vactard entre haine et rancœur. Profite de tes erreurs pour ombrer tes lacunes. La vie, on en a qu'une, on passe la pente, crime et terreur. J'ai voulu décrocher la lune, mais manque de peau, j'ai fini à deux pas. Donc j'ai fini par écorcher ma plume. Mon angle se dépose, oui, c'est mon seul fait d'arme. Pendant que les portants, une boucle, une prod en injection létale. J'ai les yeux rouges, change, m'en sers pour inonder ma page. J'ai à peine 30 ans, y'a trop d'épines dans ma fleur de l'âge. Mon pic arrive tremblant, par devant, pas comme tous ces lâches. Mais merde, vas-y, je m'en prends, leur connerie après tous ces lâches. Laisse-moi m'exprimer, même si parfois, comme Riffa, j'ai du mal à griffonner une belle esquisse. Écrire sous une sagesse du rap, je vis pas du rap, et je crois que j'en vivrai jamais. Son goût amer m'écarte et leurs mythos font face aux idées que j'amène. Je vais pas m'inventer une vie, je reste moi-même bien en place. J'ai grandi à Messi, à part les champs, y'a la place et le stade. Cousin, tu me suis ou pas? Après tout, c'est la même, oui, partout, c'est la merde. Des vrais profits et des faux coupables. Fuck, tant que je crache tout, termine le texte à bout de souffle. Dernier mes vers, mon cœur souffre devant ma mère, mon âme souffre. Mains des mains de voix, j'ai tenté d'arrêter d'écrire. Marque un temps d'arrêt, sors de l'arène et là tes rêves de ruine. Mais pas une seule fois, j'ai voulu voir ces crimes. Alors mon pic à cran se vide pour un peu plus réécrire. Mains des mains de voix, j'ai tenté d'arrêter d'écrire. Marque un temps d'arrêt, sors de l'arène et là tes rêves de ruine. Mais pas une seule fois, j'ai voulu voir ces crimes. Alors mon pic à cran se vide pour un peu plus réécrire. Mains des mains de voix, j'ai tenté d'arrêter d'écrire. Mains des mains de foi, alors mon pic à cran se vide pour un peu plus réécrire.